Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui est en train de se passer là ? Bah là on est à Michelet. On est encore une fois bloqué par la police, par les CRS, par un dispositif, c'est n'importe quoi. Et voilà, ça ponctue en fait genre une journée où c'était vraiment, vraiment absurde. Il se passe quoi ? Et ils se décident à laisser passer des gens sur les côtés, je crois. Mais voilà, enfin là, ils nous bloquent clairement l'accès pour aller rejoindre les lycéens de Michelet qui sortaient là de cours. Et aujourd'hui, ouais, c'était complètement absurde. Enfin, il y avait un blocage, on était, je sais pas combien, on était jamais vu autant de gens à un blocage, on était plus de 100 dès le matin, 6h du matin. Une AG immense, plein de gens nouveaux qui étaient hyper chauds. Et on est parti en manifestation l'après-midi, le blocage il a tenu toute l'après-midi, les cours ont été annulés. Et après, bah, on s'est retrouvé à devoir manifester jusqu'au cardo, on s'est fait charger au cardo, on s'est retrouvé dans la forêt. Voilà, enfin en gros, la préfecture a décidé clairement de nous interdire complètement le centre-ville, nous invisibiliser, du coup on se retrouve à manifester au cardo et dans la forêt. Donc voilà, enfin c'était complètement absurde. On entend bien l'hélico là. On est rentré dans l'enceinte du rectorat et là on est devant le bâtiment. Les gens descendent les drapeaux, il y a toujours l'hélicoptère qui nous surveille. C'est fou. Rector, descend, on veut parler. Rector, descend, on veut parler. Rector, descend, on veut parler. Rector, descend, on veut parler. En vrai, je voulais juste faire un petit retour, un peu du vécu de la journée et pourquoi pas balancer un peu quelques pistes pour la suite. Il y a plein de trucs trop bien qui sont passés, des moments collectifs forts en fait, où on a commencé à se rencontrer justement, à être nombreux, nombreuses. Le blocage ce matin, il y avait à balle de monde, on a fait des barricades de ouf. Franchement, c'était grave classe. Toute la fac était bloquée toute la journée, on a réussi à obtenir ça en fait, c'est quand même pas rien. On a réussi aussi à poser un truc concret derrière, d'un rendez-vous, d'une manif où il y avait du monde derrière. Il y avait des gens, on s'est rendu compte d'une réalité de la situation, que Michelet s'était bloqué, c'était pas possible. On a réussi à réagir en conséquence, on a essayé un autre truc, on s'est bien baladé, on a bien rigolé, il y avait de l'énergie, il y avait de la patate. Je pense qu'on a les lycées qu'on allait voir, même si ça n'a pas peut-être beaucoup de gens qui nous ont rejoints. En fait, ils ont vu qu'on était là, ils ont vu que les étudiants ils se mobilisaient. Et du coup, je pense que ça les motive aussi à se mobiliser, elle et eux, pour la semaine prochaine. Et je pense que si on leur passe les voir, ou justement si on se capte demain, et bien là, il y aura moyen vraiment de faire un truc vraiment construit et qui pourra vraiment marcher, aller au bout en fait. Je pense que là, aujourd'hui, il y avait de l'énergie, il y avait de l'envie, il y avait des gens. Et en fait, tout ce qui manque, c'est les moyens logistiques en fait pour faire vraiment germer ça et faire un truc de ouf. Genre, je sais pas si là, on a de la bouffe la semaine prochaine, ce qui fait que les gens, ils restent. Si on a des activités pour occuper les gens, plus de tracks, ça manquait un peu. Enfin, des petits trucs comme ça en fait, qu'il faut qu'on pense en amont, demain, à la gêne mardi, mais peut-être aussi avant. Et ça, ça se fait ouais, justement plus dans des petits temps de groupe, enfin de petits groupes où aussi on crée en fait du commun ensemble. Et moi j'ai l'impression aussi d'avoir parlé avec plein de gens que je ne connaissais pas aujourd'hui, c'est trop cool.